Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision. Bonjour à tous, et bienvenue dans cet épisode 2 de Ludovision. Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vraiment énormément vous remercier pour l'accueil de l'épisode 1. Je ne m'attendais pas à autant de messages de votre part, à autant engouement, peut-être un mot fort, mais en tout cas, ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. J'espère que ça continuera de vous plaire et que vous y trouverez votre compte. Je prends en compte tous vos retours également, donc j'espère que cet épisode 2 sera encore meilleur que l'épisode 1. Donc qu'est-ce que on va aborder dans cet épisode 2? Et bah tout simplement, j'ai trouvé l'idée du jeu. Mais avant de parler de ça, on va voir comment je suis arrivé à cette idée, non pas définitive, mais à 75% je pense. Déjà, avant toute chose, avant de tourner cet épisode, je me suis posé une question un peu importante, tout simplement, c'est les droits légaux. Est-ce qu'on peut pas me voler mon idée, en fait, avant de la dire à tout le monde? Parce que c'est bien rigolo de faire un podcast pour expliquer tout, mais si en fait on pique tout au fur et à mesure, c'est un peu nul. Et donc, je me suis renseigné, et l'un de vous, Poditoris, m'a aidé. Donc, merci beaucoup, Noé, d'avoir pu te renseigner également sur la législation. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu une zone grise, mais qui est à la fois aussi pas mal fait en France. C'est que à partir du moment où on expose publiquement une idée, un concept, tout de suite, il devient protégé. Donc finalement, la meilleure façon de me protéger, c'est de faire ce podcast. Donc ça, c'est déjà une très bonne idée, une très bonne chose. Évidemment, rien n'empêchera potentiellement quelqu'un de piquer mon idée et de faire un jeu qui ressemblera. Mais s'il a exactement les mêmes gameplays, ça reste moi le propriétaire intellectuel. Évidemment, je pourrais faire des dépôts, etc. Mais déposer un concept, c'était pas vraiment possible. Il y a quand même, j'ai vu une guilde, un syndicat, je sais plus comment il s'appelle, justement des gens pour la protection des droits d'auteur dans le jeu de société. Je pense les contacter incessamment sous peu quand même pour valider plein de choses. Mais voilà, l'avantage c'est que je suis plutôt protégé en faisant ce podcast, donc finalement c'était pas non plus une si mauvaise idée. Ça aide pas mal pour prouver que tout simplement c'est moi qui ai fait tout ça en fait, de mes petites mimines et de ma petite tête. Donc là c'est une bonne nouvelle. Donc encore merci pour tout ça. Et deuxième chose sur le point légal, tout simplement, je ne pourrais pas vous communiquer le nom que je souhaite pour le jeu actuellement, pour deux raisons en fait, et surtout. Déjà de 1, il n'est pas encore déposé, et je ne sais pas si je vais le déposer, parce que de 1, ça coûte une blindax en argent, et l'argent c'est quand même pas facile. Et tout simplement, c'est que si le jeu vient à être acheté par une maison d'édition, potentiellement, eux choisiront un autre nom, ou ils n'auront pas celui-là, donc. Un peu la flemme de dépenser 300 balles pour déposer un nom qui ne serait pas utile. Donc, on ne nommera pas le jeu pendant toute la durée du podcast, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de définitif ou de déposé légalement. Donc, pas la peine de me demander, ni en DM, ni en DM, ni dans rien. Malheureusement, je préfère vraiment me protéger là-dessus. Même si c'est qu'un nom, ça ferait un peu chier, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est la petite partie juridique, excusez-moi. Et donc, maintenant, on va parler un peu plus de comment on est arrivé à la dernière idée pour le jeu. Donc reprenons un peu notre master plan qu'on a évoqué à l'épisode précédent. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu dans la première 1? L'idée et la conceptualisation. Là, on va être vraiment dans cette étape. Il y a trois sous-étapes que j'ai listées. Trouver l'idée de base du jeu, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Définir le thème, le style et le public cible. On verra à la fin de cet épisode qu'on commence à y répondre plus précisément. Et après, établir les mécanismes de base du jeu, par exemple, est-ce que c'est un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de stratégie, etc., etc. Donc on va répondre à presque toutes ces questions, en tout cas en grande partie, dans cet épisode. Pour un peu l'info d'organisation, vraiment, pour gérer tout ce gros projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, j'ai déjà dit dans le premier épisode, j'ai mis en place un Notion, donc c'est un site internet, une application web, comme vous voulez, qui permet de faire de la gestion de projet, que ce soit professionnel ou personnel. Pour vous donner un peu plus de choses concrètes dessus, de comment je l'utilise, grosso modo, j'ai mis en place sur la page d'accueil de mon Notion le master plan. Il est directement en arrivant sur la page d'accueil, ce qui me permet de l'avoir toujours en visu dès que je vais sur mon projet et de pouvoir cocher au fur et à mesure ce qui est fait ou pas fait afin de me motiver à continuer. J'ai également sur la page d'accueil juste une encart de notes, comme ça, dès que j'ouvre mon téléphone et que j'ai une idée, je note dans Notion directement. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans une sous-page. Et donc, je l'ai souvent sur le tas, je peux la noter très rapidement. Et enfin, donc j'ai mon petit menu avec, du coup, je l'ai divisé en deux. tout ce qu'il faut pour l'émission Ludovision, le podcast, mais également pour le jeu. Donc pour le podcast, actuellement, je n'ai fait qu'une page avec ce que j'appelle les conducteurs. Donc c'est, grosso modo, je prépare les émissions, je prépare les TikTok, les réels, etc., etc. Tout ça, c'est préparé en amont. Je liste les grands éléments. Je n'écris pas au mot près ce que je dis, c'est vraiment juste les grands éléments de langage et les grandes idées. Et pareil, ça, c'est de l'idée qui me vient au fur et à mesure. Ça me permet d'avoir des notes et donc de pouvoir vraiment vous faire des émissions qualitatives et des réels qualitatifs. Pour pas vous prendre pour des cons, quoi, parce que vous prenez le temps d'écouter. Le minimum de ma part pour vous remercier, c'est de vous faire quelque chose d'un peu bossé. Donc je note tout et je note un peu les progressions et où est-ce que j'arrête un épisode. Parce que officiellement, je suis un peu plus en avance dans le jeu que ce qui est dans l'épisode actuellement. Quand je dis un peu plus, c'est vraiment forcément au début, j'ai des idées de règles qui me viennent. Pour le moment, on parle pas de règles. Voilà, c'est ça vraiment, pour l'instant, l'avance. Si je peux vous rassurer, il n'y a pas une carte qui est définie, il n'y a pas une chose qui est définie, il n'y a pas un plateau défini, il n'y a rien pour le moment. Voilà, c'est forcément, j'ai forcément un petit pas d'avance sur les épisodes à la sortie. Mais ça, c'est le jeu aussi. Et donc, pour la partie jeu, actuellement, j'ai trois documents. On y reviendra dans d'autres émissions. Mais celui qui va nous importer aujourd'hui, c'est surtout le méga doc. C'est un doc dans lequel, en fait, je note toutes les idées liées à mon idée. En fait, toutes les sous-idées, finalement, tout ce qui vient. Et après, je les trie dans d'autres documents. Donc, j'ai fait des documents, par exemple, moi, pour trier certains types de contenu dans le jeu et aussi types de gameplay pour le moment. Parce que je commence à avoir des idées, du coup, je les mets dedans et je les trie. Donc, ça me permet, en fait, avant tout, cette notion de trier mes idées. Voilà, de trier mes idées et de savoir où est-ce qu'elles vont, pour quel, on va dire, objectif. Il est venu à évoluer. Je sais très bien que j'aurai bientôt un grand tableur avec plein d'éléments dedans pour forcément, vous verrez qu'on parlera d'idées, ça va être nécessaire. Voilà, il est évolutif et ce qui est bien, c'est que je peux en faire ce que je veux. Et si je veux faire un truc, je fais un truc. Mais comme on l'a vu dans l'épisode 1, évidemment, il ne faut pas supprimer les idées. Donc je les note toutes et je barre celles qui ne m'intéressent plus. Voilà pour le notion. Donc voilà, on garde tout, on barre et on va revenir justement sur les idées que je n'aurais potentiellement pas gardées dans tous les épisodes et déjà dans celui-là. Donc, on va enfin arriver à la partie, j'espère, qui vous intéresse, c'est... ça va être un jeu sur quoi ? Le jeu va, pas forcément ce qu'il va raconter, mais il va tourner autour de quoi ? Moi, ce qui me définit en tant que personne et dans la vie, c'est beaucoup et en très grande partie mes passions. Je l'ai dit un petit peu dans l'épisode 1, je suis quelqu'un de très passionné de beaucoup de choses, sûrement trop souvent. Mais voilà, c'est des choses où je suis un peu construit par tout ce qui est de pop culture et par tout ce qui me tient à cœur. Donc pour moi, il faut que ce jeu de société, en grosso modo, adapte quelque chose que je kiffe. Donc, de près ou de loin, évidemment, pas une licence, parce qu'on ne pourra pas adapter une licence, attention. Mais il faut que ça reflète des choses que j'aime. Ce jeu, je le fais quand même beaucoup pour moi. Je vais y passer beaucoup de temps, j'ai envie qu'il me plaise, et j'ai envie qu'il me ressemble. Du coup, je me suis posé la question, c'est qu'est-ce que je kiffe beaucoup et qui m'inspire assez pour faire des jeux de société ? J'ai commencé par me dire, ok, c'est quoi mon type de jeu de société préféré ? Moi, j'aime beaucoup les jeux à rôle caché. Les jeux à rôle caché, c'est quelque chose que je kiffe bien. Je trouve que c'est très marrant. Il y a plein de genres différents. J'aime bien le côté bluff, j'aime bien le côté stratégie. Des fois, il faut builder un petit peu autour. Et j'aime bien qu'il y ait 100% d'interaction dedans. C'est hyper cool, on se marre bien, etc. etc. Sauf que, déjà, ça ne m'inspirait pas beaucoup à ce que je pouvais rajouter à tous ces jeux, parce que je les aime beaucoup. Mais c'est des jeux qui sont si compliqués à faire pour qu'ils soient bien. Et vraiment, je me sentais pas d'en faire un. Je veux juste kiffer les faire, je pense. Donc, ce ne sera pas un jeu à rôle caché. Ensuite, je suis fan d'une licence de jeux vidéo qui s'appelle Ace Attorney. Et je me suis dit, si on faisait un jeu de société qui simule, en gros, un sorte de procès fictif. Mais un peu rigolo, quoi. Pas un truc trop dur, horrible. Et j'ai commencé un peu à me pencher sur le sujet. J'ai commencé à y réfléchir. J'avais deux, trois petites idées qui me venaient. Et je me suis dit, là, c'est qui tout double, dans quoi tu t'embarques ? Déjà, j'avais deux, trois idées, mais ça ne voulait pas venir plus que ça. Et j'avais peur que le thème général soit peut-être très compliqué, en tout cas pour le nombre de joueurs que j'aimerais avoir. Parce que je me fixais un nombre de joueurs aussi que j'aimerais bien que ce soit de 4 à 6 joueurs. Enfin, de 2 à 6 joueurs, excusez-moi. Mais en gros, optimal à 4 et 6. Mais voilà, pourquoi pas un jeu à 2 ? Mais voilà, pourquoi pas un jeu à 2 ? Donc, ce ne sera pas un jeu basé sur les avocats. Voilà, donc peut-être un jour je reprendrai cette idée, mais actuellement c'est pas ce genre de jeu que je veux faire. Ensuite, je suis très fan de Digimon. C'est quelque chose que je kiffe beaucoup, vous avez peut-être vu sur les réseaux que je joue au TCG Digimon. J'ai un tatouage Digimon, Digimon c'est un truc que je kiffe de fou, mais genre vraiment de fou. Et à la base, Digimon, ce sont des Tamagotchi. Et pourquoi pas, du coup, faire une battle entre élevage de Tamagotchi et le générer un peu en jeu de société. Je pense qu'il y a pas mal de concepts à faire autour de ça. Mais pareil, je n'étais pas plus inspiré que ça. Je pense que l'idée de base n'était pas mauvaise, mais rien ne me venait vraiment. Ça voulait pas venir. J'ai essayé de le maturer, j'ai pas mal réfléchi. Mais voilà, ce jeu Tamagotchi, je le garde au coin de la tête, mais actuellement, pareil, je pense pas que ce sera ça. Et puis, comme tous les jours, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai joué à des jeux mobiles. Je joue beaucoup à des jeux mobiles depuis très très longtemps. Et il y a un genre de jeu mobile que j'adore. Ça s'appelle les gacha games. Si vous ne savez pas ce que c'est un gacha game, ce sont des jeux vidéo sur mobile ou PC ou toute plateforme que vous souhaitez, où c'est basé sur l'aléatoire. On utilise de la monnaie virtuelle pour obtenir des cartes / personnages / ce que vous voulez, pour construire les meilleures équipes possibles avec ce qu'on a et venir aller faire du contenu contre le jeu ou aller faire du contenu contre les autres joueurs ou tout simplement collectionner des cartes qu'on kiffe, qui sont belles, etc. etc. Et ça, c'est un genre de jeu que j'adore, vraiment. C'est un genre de jeu vidéo que je joue tous les jours, je joue à plusieurs. Vraiment, c'est une grosse partie finalement de ma vie de joueur. Et je dis, mais en fait... Le gacha, c'est quasiment de base un jeu de société, en fait. C'est un deck building. Le gacha, c'est on obtient aléatoirement des personnages, des cartes, qu'on des attributs, des pouvoirs. On fait une équipe et après, on joue avec. C'est grosso modo le concept du deck building. Et là, ça m'a mis un déclic et je me suis mis à noter des tas de choses. Des tas de choses. J'ai pas arrêté, j'ai noté. Et en fait, je me suis retrouvé à être méga, méga inspiré. Et je pense que bah, on y est, on a l'idée, le concept de base, on va adapter le concept du jeu de collection, le gacha game, en jeu de société. Donc évidemment, après avoir noté plein de choses et avoir passé du temps, j'ai vérifié si ça n'existait pas déjà. Parce que bon, ça sert à quoi de faire un jeu si finalement le thème a été essoré de fou et de fou. Et bah, j'ai trouvé 2-3 jeux sur le thème, finalement, mais qui sont finalement des petits jeux d'ambiance sur le côté vraiment plus gachapon. Gachapon, en grosso modo, c'est les petites capsules de jouets qu'il y a au Japon. On met 2 balles dans une machine, ça nous sort une boule dans laquelle il y a un jouet, c'est aléatoire, c'est la collection, c'est là-dessus que se base déjà le jeu vidéo Gacha Game. Mais du coup, voilà, c'est plus là-dessus, plus que sur le jeu vidéo en tant que tel. Et du coup, bah, je me dis, bah, nickel. C'est grosso modo, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de jeux comme ça, voire pas du tout. Je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai refouillé un petit peu, je me suis un peu rassuré, on était OK. Et du coup, je me suis mis à bosser vraiment encore plus dessus. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est bah, tout simplement lister un peu ce qu'est un gacha game. Finalement, c'est quoi les grandes choses qui font qu'un gacha game est un gacha game, ce qui font que ce soit un bon jeu, et c'est quoi les mécaniques les plus importantes. J'ai donc ouvert mon fameux Megadoc dans mon Notion, et c'est la première chose que j'ai commencé à faire, c'est lister tout ça. Donc déjà, le premier point que j'ai noté, c'est l'aléatoire. Et oui, le gros cœur de ce jeu, c'est l'aléatoire. C'est vraiment, voilà, on joue avec l'aléatoire et on joue avec les probabilités pour faire les meilleures équipes. Donc c'est le deuxième point que j'ai fait, construire une équipe. Voilà, l'aléatoire pour construire une équipe. Ensuite, j'ai noté PVP. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, même s'il est pour moi au même point que ce qu'on appelle le PVE. Donc PVP, player versus player, joueur contre joueur. C'est-à-dire qu'on va venir attaquer directement un autre joueur et non pas quelque chose généré par le jeu. Et donc PVE, Player versus Environment. Donc là, c'est là où on va taper le jeu. Moi, j'aimerais bien adapter ces deux côtés dans le jeu, qu'on puisse choisir, ou faire l'un des deux, ou faire les deux, de gagner des points en étant contre le jeu de société, ou alors en allant directement taper nos adversaires. Qu'on puisse avoir un peu d'interaction, qu'on ne soit pas juste spectateur de ce que font les autres et prier d'être le meilleur, quoi. Généralement, lister Synergy Cartes. Dans ce genre de jeu, toutes les cartes non, mais il y a en général des systèmes un peu de famille, de faction, ce que vous voulez, qui vont avoir une synergie entre elles. Par exemple, si j'ai tel personnage, alors tel personnage est plus fort, etc. etc. L'idée, c'est de reproduire ça, pour se dire, ok, je veux jouer ça, du coup, si j'ai obtenu celui-là, ok, je vois que les deux, ils font un truc, mais je veux pas que ce soit trop compliqué. Voilà, je veux que ce soit quelque chose qui soit plutôt automatique, ou en mode ok, si toutes mes cartes sont de telle famille, tu gagnes plus 2, je sais pas, attaque ou défense, on sait pas encore, mais voilà. Ensuite, j'ai rajouté collection. Pour moi, qui est au même niveau que le mode de jeu, c'est la collection de cartes. Dans le gacha, c'est hyper important pour moi, parce que beaucoup de gens jouent à ce genre de jeu uniquement pour collectionner des cartes. Donc j'aimerais que le côté collection soit récompensé également dans le jeu final. Ensuite, j'ai listé belles cartes. Effectivement, un jeu vidéo, un jeu de société, quoi que ce soit qui est beau, c'est quand même vachement mieux. Et pour moi, les gacha, quand je joue à un de ces jeux, si les cartes sont pas belles, je n'y joue pas. Ensuite, j'ai mis économiser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Économiser, c'est-à-dire que ce sont des jeux où potentiellement on peut mettre de l'argent réel. Ou juste, c'est beaucoup d'efforts de jeu, et c'est là où je veux y venir. On joue énormément pour gagner des ressources qui nous permettent d'avoir des cartes. Sauf qu'on peut se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui je vais essayer d'obtenir tel personnage parce que je pense qu'il est pas mal, ou est-ce que j'attends 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour essayer d'obtenir un autre personnage, mais également celui-là qui sera plus fort. Voilà, il y a un système d'économiser ses ressources pour les utiliser au bon moment dans ce genre de jeu. Et il faut que ça se retranscrive dans le jeu de société. Ensuite, j'ai mis se faire plaisir. Ce sont des jeux où de temps en temps, on se dit, vas-y, je lâche un peu de ressources pour me faire plaisir. Il faut que le jeu soit, entre guillemets, à la limite de, ok, il faut que je pense à bien économiser, mais que quand j'y vais, par contre, ça me récompense. Il faut que, par contre, je sois récompensé du fait d'avoir économisé, d'avoir joué, pour pas que ça m'ennuie et pas que je sois trop frustré. Stocker, c'est stocker des cartes. Grosso modo, on aura une équipe, évidemment, dans le jeu, mais je veux qu'on puisse avoir un peu une réserve pour pouvoir, et c'est le point suivant, switcher de personnages, échanger des personnages pour pouvoir dire, ok, là, on a eu potentiellement un événement, etc., etc. Ok, mon équipe du tour d'avant, elle n'était pas très bien, j'ai ça en réserve, vas-y, j'échange. Pour ce tour, je suis ok. Et après, j'ai mis en point d'interrogation équipement, objet et toute autre carte autre que des personnages. Actuellement, je suis en point d'interrogation dessus et j'y suis toujours. Est-ce que j'ajoute d'autres genres de cartes que des personnages ? Est-ce que je mets des objets, effet immédiat, effet pas immédiat, des équipements, pourquoi pas ? Je veux que ça reste simple. Donc pour le moment, je vais me focus sur le jeu avec les personnages et on verra si je rajoute d'autres sortes de cartes après. Donc du coup, si on veut faire un petit résumé déjà de là où on en est actuellement, c'est on va adapter le style de jeu, donc gacha game, sans pour autant faire quelque chose de très nerdos forcément, je ne sais pas encore trop comment l'aborder, mais vraiment, on adapte les mécaniques de ce jeu pour en faire un jeu de société. Et donc, la grande idée, c'est vraiment, et c'est là je vais vous le redire, la grande idée du jeu, c'est plusieurs factions. J'aimerais qu'au début de la partie, chaque joueur choisisse une faction. J'appelle ça faction, hein, mais pour l'instant, c'est mon wording actuel. Une faction qui aura, par exemple, une faction qui se joue sur l'attaque, une faction qui se joue sur la défense, une faction qui se joue, je sais pas, sur la vitesse, bref, une faction qui se joue sur défausser des cartes. Voilà, que chaque faction ait son gameplay pur. Chaque joueur en choisit une, mais va mélanger toutes ses cartes. Et on aura un paquet au centre des joueurs, dans lequel tous les joueurs vont faire, du coup, obtenir leurs cartes afin de créer leur groupe. Et donc, l'idée du jeu, le déroulement, c'est je fais des événements, grosso modo, soit je tape le jeu, soit je tape un autre joueur, soit même simplement je collectionne les cartes. Grâce à ça, j'obtiens des ressources pour obtenir de nouvelles cartes, améliorer mon équipe, pour faire des événements plus difficiles, pour pouvoir être meilleur contre les autres joueurs et agrandir encore une fois ma collection. Et je veux vraiment qu'il y ait ces trois types de victoires. Je pense que je vais faire un système de points de victoire pour que, effectivement, tu gagnes des points de victoire quand tu réussis un événement contre le jeu de société, des points de victoire quand tu réussis à combattre un autre joueur et à gagner, mais également gagner des points de victoire simplement parce que tu as la plus grosse collection, la plus belle collection en termes de rareté ou je ne sais pas encore exactement, mais qu'on puisse avoir tous ces systèmes de vraiment de victoire pour pas qu'on soit juste, ok, moi je gagne toutes les cartes, je suis meilleur, ok, c'est celui qui a le plus gros truc en PVP qui gagne. Je veux qu'il y ait ce côté vraiment un peu aléatoire. Donc pour ça, il y aura, je pense, un nombre de tours limité. Comme ça, on sait quand est-ce que ça se finit. Et à chaque tour, il y a un événement qui vient de faire. Par exemple, ce tour-là, si vous piochez dans la pioche, vous avez plus de chances d'obtenir tel genre de personnage. Un système voilà, dans les jeux gacha, ça s'appelle les bannières. Un système vraiment voilà, de deck, de pioche, qui vont être évolutifs au fur et à mesure de la partie pour se dire, ok, à ce tour-là, c'est le moment que je claque toutes mes ressources. Maintenant, j'y vais à fond et potentiellement, je vais plus retourner comme ça jusqu'à la fin du jeu. Et comme ça, on tape, on tape, on y va, on y va. Ça, c'est vraiment le cœur du jeu de base. J'ai déjà listé plein de nouvelles choses pour la suite, mais ça, on verra dans le prochain épisode. Mais voilà, c'est le cœur du jeu. Adapter tout ça pour faire un jeu de société assez simple, quand même, de base, vraiment facile à appréhender. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de choix possibles par tour et que ce soit au fur et à mesure du jeu qu'on se dise « Ok, j'ai compris que machin et machin font ça ensemble. » Et comme ça, on est bon. Ça, c'est le grand principe du jeu. Et c'est ce qu'on, du coup, on a vu dans le master plan, l'idée de base du jeu. Établir le mécanisme de base deck building, jeu de cartes. L'idée de base du jeu, adapter un gacha game. Et définir le thème, le style et le public cible. Pour ça, j'avais qu'une seule façon un peu de le faire. Et c'était la façon la plus brute et la plus difficile. J'ai confronté mon idée à mon entourage. J'ai donc pris plusieurs personnes, des gens qui sont plutôt néophytes, des gens qui sont plus aguerris, des gens qui connaissent les gacha games, des gens qui ne connaissent pas. Et je leur ai tout d'abord demandé s'ils connaissaient les gacha games. Est-ce que c'est comme Pokémon, les attraper tous ? Pas du tout. Non, mais j'ai une idée plus ou moins claire, mais je ne saurais l'expliquer. Oui, un petit peu. J'ai un petit peu joué sur des téléphones, par exemple, sur un truc avec Dragon Ball, où en gros, tu récupères des pièces dans l'histoire et tu vas ensuite acheter des coffres qui ont ensuite des probabilités d'avoir des trucs plus ou moins rares, oui, plus ou moins bien pour ta team, et après tu construis ta team avec et tu défourailles après le PvE, quoi. Et le PvP si jamais il y en a. Absolument pas. Bon, aussi un gacha game, évidemment. Oui, je sais ce que c'est. Je crois, oui. Oui. Ensuite, j'aurais demandé si l'idée leur paraissait bonne et s'ils avaient un peu des peurs ou des envies particulières sur le jeu. Je comprends l'idée du concept. Moi, je suis très friand de ce genre de d'idées. Il y a un petit délire collectionniste au cours d'une partie courte, et ça, c'est vraiment ma cam. J'ai pas joué à Genshin Impact ou des trucs comme ça, mais ça a l'air de se rapprocher un peu du côté gacha. J'aime aussi l'idée de faire comboter les cartes, en fait, qu'il y ait une interaction TCG, c'est typiquement ça. Donc, en fait, c'est deux mécaniques que moi, je trouve très cool. Donc, dans l'idée, ouais, moi, je jouerai à ce jeu-là, en tout cas, pitché comme ça, du moins, oui. Le délire de comboter, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans l'accord de easy to learn, hard to master. Je pense que moi, c'est typiquement ma cam, mais par exemple, pour ma meuf qui joue avec moi de temps en temps, ce sera quelque chose où elle aura un peu plus de mal à s'y mettre. Le délire collectionniste peut plaire, par exemple, à un public cible plus jeune. Le côté comboté, tout ça, ce sera pour un public plus averti. Mais dans les deux cas, ça touchera les deux. Ouais, c'est... Oui. Mais est-ce qu'il y a une pitié ? Je suis pas sûre d'avoir compris le contexte. Le concept, pardon. Bon, sur le concept, ouais. Un gacha, c'est toujours bien. Hein. Moi, du coup, je trouve que sur la présentation du concept, c'est trop abstrait pour que je sache si ça me donnera envie de jouer ou pas. Oui, je pense que ça peut être compliqué parce que vu qu'il y a toute la mécanique de gacha, du coup, donc d'aléatoire, t'as pas forcément ce que tu veux, tu vas pas forcément comprendre ce que tu peux faire parce que ça va pas arriver tout de suite. Je pense qu'au début, ça va être compliqué à jouer. En fait, tant que t'as pas fait plusieurs parties, En fait, plus tu vas avoir de choix, plus tu vas être perdu. Parce que mine de rien, il y a le concept de gacha, il y a le concept de deck building, il y a une sorte de concept de draft, et il faut gérer ça avec trois routes de victoire différentes. Enfin, ça peut commencer à être un peu complexe pour les nouveaux joueurs. Quoi. Ouais, mais je suis un peu comme Ben, je suis un peu partagé sur l'idée. Ouais, je pense que j'ai bien. Je trouve que c'est cool le fait qu'il y ait le fait justement d'acheter pour récupérer de nouveaux personnages, de nouveaux éléments, ça met un côté qui est évolutif. Et du coup, chaque partie est différente, c'est jamais vraiment la même chose, donc c'est cool. Puis il y a le côté collection aussi, qui en lui-même peut déjà être très cool, satisfaisant d'accumuler et d'acheter. Je pense que comme pas mal de jeux, ça peut être compliqué de toute façon. Pour des gens, il y aura toujours des fois un moment où c'est difficile au début de comprendre les règles, les mécaniques de jeu. Mais après, dans l'ensemble, je pense que ça vient assez naturellement une fois qu'on est lancé. Ouais, franchement, ça a l'air cool. Tout dépend de comment c'est expliqué et construit. Là, comme c'est un peu vague, c'est forcément un peu compliqué. Mais dans le principe, je trouve que non, ça me paraît plutôt cohérent et simple. Ouais, franchement, je pense que c'est... J'aime bien le fait que tu puisses avoir plusieurs possibilités de gagner. Que tu ne sois pas fixé à une seule possibilité de victoire. Ça ramène un petit peu plus de challenge. Et puis surtout des possibilités sur des joueurs qui vont être un petit peu plus tryhard. Par exemple, aller taper sur les joueurs... ou des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société, de pouvoir avoir cette possibilité de juste gagner par la rareté sans pouvoir, sans devoir aller taper quelqu'un ou voilà, sans avoir des règles compliquées à prendre, quoi. Par exemple, Seven Wonders, tu peux le jouer avec des néophytes, même si tu as déjà tryhard de fou. Tu peux, ils peuvent quand même récupérer des points parce que chaque partie est différente et que les événements font que ta partie est différente, quoi. Donc je pense que ouais, c'est un jeu qui peut être sympa justement en tant que néophyte, ouais. Oui, c'est très clair. Tu m'as peut-être un peu perdu sur la partie où on a les différentes cartes qu'on donne, enfin on part tous avec des cartes. Qu'on donne. Ouais, parce qu'il y a une. Enfin, comme je vois le truc, il y a quand même une dimension où vraiment on mélange les choses. Il y a, je pense, beaucoup d'interactions. Donc, ouais, totalement. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi, d'ailleurs, quand tu m'as demandé si ça me plaisait, l'idée de jouer avec les aléas au cours du truc. Et ce truc-là où il faut gérer l'argent, entre guillemets, et l'utiliser à bon escient et savoir qu'il y a d'autres moments où c'est pas utile. Je trouve ça sympa. Moi, je pense que déjà, les jeux de deck building, c'est un type de jeu un peu particulier qui, du coup, quand t'es néophyte dans les jeux de société, tu t'orientes pas vers ce genre de jeu parce que c'est un petit peu compliqué. Et le principe du gacha, c'est ça rajoute un système de... Enfin, c'est des jeux de niche, quoi. Moi, j'adore jouer aux jeux de société et les gachas, c'est pas un truc que je connais, quoi, par exemple. Moi, je pense comme Tiff que si tu connais ni le thème, des fois, ça peut te faire envie, même si le jeu peut te faire un peu peur et que le jeu paraît compliqué, bah, tu vas pas trop... Souvent, les gens, quand les règles sont un peu longues, ils sont tout de suite là, oulala, je vais pas y arriver. Et des fois, tu leur dis, non, mais c'est simple, en jouant, tu vas voir. Mais sauf qu'il faut déjà voir le jeu. Ouais, je suis un peu d'accord. Enfin, c'est vraiment un jeu particulier basé sur les gachas. Donc, si tu es ni adepte du jeu de société, autre, enfin, si pour toi le jeu de société c'est le Monopoly, la bonne paye à l'ancienne, enfin voilà, et que les gachas, ben, tu sais pas ce que c'est, ça va être difficile de te mettre sur un nouveau type de jeu gacha. Quoi. Après, moi j'ai envie de dire que ça dépend aussi du design que tu lui donnes. Enfin, moi par exemple, je suis la reine de ça dans les magasins de jeux de société, c'est d'aller vers un jeu parce que je le trouve beau, quoi. Juste, la boîte, elle est jolie. Et en général, moi, ça fait, je dirais, 60% du taf, c'est de trouver la boîte agréable visuellement. Après, ça, c'est hyper subjectif, clairement, parce qu'on n'est pas tous sensibles au même genre de design. Et en général, quand je retourne la boîte, je lis ce qui se passe et je me dis, ah ouais, putain, ça a l'air cool, je vais jouer, quoi. Ceux qui comprennent la mécanique vont la comprendre et ceux qui comprennent pas. Genre, moi, je comprends pas ce genre de mécanique parce que c'est pas mon type de jeu. Si d'un coup, dans un tour, je pioche 10 cartes alors que d'habitude, j'en pioche une, je vais pas me dire, ah bah tiens, ça a un lien avec ça, quoi. Et enfin, j'aurais demandé, pour eux, combien de temps devait durer en moyenne une partie pour qu'on ne s'ennuie pas, mais que ce soit pas trop court non plus. Je pense qu'il faut que ce soit quand même pas trop long malgré tout pour avoir le temps d'y jouer parce qu'il y a des fois des jeux qui sont super bien. Mais ça dure hyper longtemps et du coup on n'y joue pas souvent. Donc je pense que ça, je sais pas, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Ouais. Après, moi, genre, visiblement, là, comment c'est expliqué, je vois que c'est un jeu, enfin pour moi, je le vois comme un jeu de tryhard. Et comme j'adore tryharder, genre, c'est un jeu où je pense qu'il faudrait qu'il dure minimum 30 minutes pour que vraiment on ait les bases solides et qu'on puisse vraiment construire de bonnes bases. Et du coup, je pense qu'en soirée, des fois, ça peut peut-être être un jeu long, sauf si c'est une soirée, qui est prévue pour jouer à des jeux de société. Mais je pense que ça peut être un bon jeu, ouais. Okay. C'est vrai qu'une demi-heure, ça peut être bizarre. J'ai peur qu'on n'ait pas toutes les clés en main en une demi-heure. On sera déjà un petit peu dans le jeu, mais on n'aura pas tout le jeu en entier. Je pense que 45 minutes, une heure... c'est là où t'as vraiment un jeu en main et là où tu peux vraiment avoir toutes les règles en tête et tu peux vraiment t'amuser, je pense. Surtout que sur un jeu avec plusieurs possibilités de victoire, je pense que ça peut être cool. 45 minutes, je trouve que c'est bien. En total, je dirais 3 quarts d'heure, peut-être. Ouais. Ouais. J'aurais dit 2 heures, 3 quarts d'heure. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit entre 40 et 45 minutes. Après... c'est en fonction de ce qui se passe, enfin de la dynamique du jeu. Je pense qu'au-delà, ça peut être barbant. Ouais, moi, j'aurais dit aussi plus de 3 quarts d'heure. Plus, ça peut être un peu long pour le type de jeu. et moins... Ça a l'air d'être un petit jeu court, donc... Et donc, du coup, avec tout ça, déjà, je me suis rendu compte que j'avais du mal à expliquer le concept, donc j'espère que je l'ai mieux expliqué pour vous, parce que finalement, il est assez nébuleux, potentiellement. Du coup, je me suis forcé un peu à écrire son noir sur blanc pour que ce soit quand même plus carré. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que les néophytes, qui ne connaissent pas du tout les gachas, ils kiffent l'idée, vraiment. Ils sont à fond dans l'idée, ils kiffent vraiment beaucoup, ils sont très très chauds. Alors que ceux qui connaissent les gachas, ils sont focus sur le terme gacha, et ça me fait peur du coup de l'avoir entendu dans l'épisode. Et du coup, ils ont du mal avec le concept, et ils ont peur que ce soit méga compliqué, ou alors que ce soit pas trop adaptable ou autre. Ils focus que ça, ils se disent « Ok, c'est un gacha, c'est compliqué, ça parle pas à tout le monde. » Je pense vraiment que je vais pas dire « Vas-y, c'est un gacha, jouez-y. » C'est plutôt « On prend des mécaniques pour l'adapter. » Comme beaucoup de jeux de société l'ont fait en adaptant des mécaniques de jeux vidéo. Donc je pense que ça va être ça. Donc après, je me trompe peut-être que je vais dans le mur. Mais en tout cas, j'ai eu des 50-50 dans les retours. Je vais continuer à peaufiner ça et on va reconfronter. Donc vous, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de l'idée. Déjà, si vous l'avez compris, ça se trouve, vous n'avez rien compris à l'idée. Si vous avez compris l'idée, ou si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous avez des doutes, si vous pensez que je vais droit dans le mur. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Ludovision. On va adapter un style de jeu vidéo en jeu de société, donc j'ai très hâte de voir où ça va. N'hésitez pas à suivre les réseaux, j'ai très hâte de voir la suite de tout ça. Encore merci et à très bientôt. Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision. Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société.